premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'idée d'Europe en cette année, qui donc sera décisive, marquée par à la fois par le Brexit et par les élections européennes. Demain, nous nous interrogerons sur la culture européenne au 19e et au 20e siècle avec Christophe Charles, Emmanuel Loyer et Béatrice Joyeux-Prunel. Mercredi, nous nous demanderons quel rôle joua et peut-être joue encore la division de l'Europe pendant la guerre froide. Jeudi, le documentaire portera sur une figure politique de la lutte des femmes, mais aussi de l'idée et de l'identité européenne, Louise Weiss, première doyenne du Parlement en 1979. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir l'historien états-unien Johnson Cantwright, professeur à l'Université d'Arizona et présent chez nous pour quelques mois grâce à la résidence que lui offre l'Institut d'études avancées de Nantes. Johnson Cantwright est historien du XVIIIe siècle et à ce titre, il nous dira ce matin si, comme le pensait Zvetan Todorov, il n'y aurait pas eu de lumière sans Europe et pas d'Europe sans lumière. Enfin, pour ce dernier jour de l'année, une nouvelle chronique de notre nouveau partenaire Histoire et Civilisation, le magazine du Monde et de National Geographic, de son rédacteur en chef Jean-Marc Bastière, nous présentera le dossier de ce nouveau numéro consacré à la Rome des papes. La sonate numéro 13 en si bémol majeur, Köchel 333, l'Allegro Grazioso de Mozart, écrite en 1783 pendant qu'il se trouvait avec Constance à Linz, où il séjournait donc avant de rejoindre Salzbourg et Vienne. Bonjour à vous, Johnson Cantwright. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pour cette émission d'ouverture de notre série d'émissions consacrée à l'idée d'Europe. Cette idée d'Europe, elle vous est venue et elle vous y travaillez vous-même en réfléchissant à l'idée des lumières et à la façon dont ces lumières sont venues jusqu'à nous et se réverbèrent comme dans un miroir jusqu'à nous aujourd'hui. Vous êtes spécialiste de cette histoire des lumières et lorsque nous vous avons demandé de réfléchir à cette question de l'idée d'Europe, il vous est venu l'idée d'aller voir chez Zvetan Todorov, que je citais en ouverture de cette émission, pour comprendre pourquoi il avait dit qu'il n'y aurait pas d'Europe sans lumière et pas de lumière sans Europe. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cette affirmation de Zvetan Todorov? Oui, je suis pleinement d'accord, une fois qu'on a fait les définitions correctes de tous les mots, mais en gros, oui, je crois que oui. C'était, et je crois, à mon avis, ce petit livre de Todorov. 2006, c'est cela? De 2006, c'était un de ses derniers livres, malheureusement, mais c'était la déclaration, la contribution la plus importante de la France à une assez grande littérature sur les relations entre l'Europe de nos temps et l'Europe du XVIIIe siècle, sur les Lumières. C'est d'ailleurs votre sujet, il disait cela dans l'esprit des Lumières, mais oui. Vous y travaillez vous-même, que de réfléchir à cette réverbération, à cette lumière portée depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nous, et aux étapes qui ont conduit à réenvisager les Lumières comme étant un moment fondamental de l'histoire de l'Europe et aussi de l'histoire du monde. Et oui. Si vous pensez à ces étapes, vous nous parlez d'abord de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire de la période des années 20 et des années 30 qui sont très importantes, oui. qui est très importante pour réfléchir à cette idée des Lumières telle qu'elle nous est parvenue aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je suis en France. J'ai la chance et je veux exprimer ma reconnaissance envers l'Institut d'études avancées de Nantes. Et bien que je suis spécialiste du 18e siècle, je suis en train de me recycler un tout petit peu pour l'histoire intellectuelle du 20e siècle, après bien des années où je suis intéressé par l'histoire de l'idée des Lumières. J'ai décidé d'écrire un petit livre, parce que ça n'existe pas, je crois, un petit livre sur l'idée des Lumières comme inspiration, comme objet des attaques féroces, mais comme objet de défense passionnée tout au long du XXe siècle, parce que il s'est avéré que on n'a pas les Lumières n'étaient pas objet des études profondes jusqu'à la période entre les deux guerres. Ah oui. Et c'est à cette époque, l'époque à l'essor du fascisme, que toute une série de très grands historiens européens ont décidé de se focaliser sur le 18e siècle. Et ce sont des historiens qui les quatre plus importants historiens. Ici, il y a des victimes directes du fascisme. Ils viennent de tous les grands pays d'Europe de l'Ouest. C'était en ordre d'importance et apparition. C'était Ernst Cassirer d'Allemagne, Paul Isard de la France, Franco Venturi d'Italie, et enfin Peter Gay, qui est né en Allemagne aussi, mais qui a passé sa carrière aux États-Unis. Et c'était ces quatre historiens qui plus ou moins ont établi ce qu'on peut appeler en anglais « Enlightenment Studies », qui est créé le siècle des Lumières, comme nous le savons, comme objet d'études, bien sûr, mais aussi d'objets d'admiration, amour, inspiration et tout ça. Ce qui est intéressant et ce que vous nous montrez, Johnson Cantwright, dans votre travail que vous êtes en train de peaufiner pour l'Institut d'études avancées de Nantes, ce que vous nous montrez, c'est que c'est au moment où l'Europe doute d'elle-même qu'elle est le plus intéressée à revenir à ce moment du XVIIIe siècle, à ce moment des Lumières, qu'elle considère comme étant le lieu, l'endroit, le moment où naît cette idée d'Europe, où elle se développe et où surtout une sorte de singularité européenne se fait jour pour le monde entier. Exactement. Et c'était un cas d'urgence pendant les années 30. La civilisation, n'importe quelle définition qu'on applique à la civilisation européenne, c'était le creux. Le premier moitié du 20e siècle, l'Europe presque s'est suicidée. Ouais. Et, d'ailleurs, c'était oui, l'idée du suicide de l'Europe était répandue partout à ce moment-là. Oui. Et cet investissement, cette redécouverte des Lumières, de ce moment de plénitude, d'harmonie, entre les nations de l'Europe tout au long du XVIIIe siècle, était une espèce de ce qu'on peut appeler nostalgie profonde, efficace, qui était disponible pour ce qui s'est passé. C'était la création d'une Europe toute nouvelle dans la période après-guerre. Ça a donné un petit peu de fondation idéologique pour les Trente Glorieuses, pour le processus de lancer la nouvelle Europe. Oui, la nouvelle Europe. Avec en particulier ses oui. pères fondateurs qui s'appelaient Jean Monnet ou Robert Schuman, oui. dont il faut dire qu'ils étaient amoureux, intéressés par ce 18e siècle et par la pensée des penseurs français, mais pas simplement français, oui. Des Lumières, que ce soit Montesquieu ou Voltaire, en l'occurrence Johnson Cantwright. Oui, exactement. Les pères fondateurs de l'Europe étaient inspirés. Ils citaient les noms de Montesquieu et Voltaire tout le temps. Mais ça reste le cas pour la création de l'Union européenne aussi. Jusqu'à nos jours, l'identité de l'Europe unifiée doit beaucoup en effet, de l'idée des Lumières comme le moment fondateur. Et dans le livre, je fais la suggestion qu'on peut voir les Lumières comme une espèce de mythe fondateur pour toute, pour l'Europe, bien sûr, mais parfois pour toute la modernité. Oui, un mythe, ça n'est pas forcément un mensonge, dites-vous. Exactement, mais... il faut ajouter immédiatement que d'appeler quelque chose un mythe, ce n'est pas de dire que c'est une fiction, qu'une création ou même illusion après le fait. Il y a pas mal d'historiens professionnels de nos jours qui ont décidé que peut-être, après tout, il n'y avait jamais de lumière, que c'était une construction artificielle des historiens pendant le XXe siècle, pour des raisons idéologiques, politiques et tout ça, oui. Alors justement, ce mouvement que l'on a regardé depuis ce premier XXe siècle, depuis cet entre-deux-guerres dont vous parliez en l'occurrence, ce mouvement, c'est un mouvement important. Qu'est-ce qu'on allait chercher quand on s'appelait Ernst Cassirer, quand on s'appelait Paul Hazard, quand on s'appelait de tous ceux, ces intellectuels que vous avez cités qui viennent d'Italie, d'Allemagne, de France? Oui. Qu'est-ce qu'on allait chercher dans ce XVIIIe siècle qu'on ne trouvait pas dans le XXe? Oui. C'était Ernst Cassirer qui a trouvé la métaphore, que je crois que c'est le plus puissant pour tout cela. Il a décrit, et c'est juste avant son exil de l'Allemagne d'Hitler, il a décrit le 18e siècle comme une espèce de miroir dans lequel nous pouvons voir ce qui est meilleur, ce qui est important dans l'histoire de l'Europe. Mais la chose qui me frappe en lisant toutes ces grandes histoires, ce sont les différences. On entrevoit dans ce miroir beaucoup de choses très différentes. Lesquelles, par exemple? Par exemple, dans le cas de Cassirer, ce qu'il a vu est un petit peu de process dialectique. Il a commencé l'histoire avec la confrontation frontale entre le rationalisme français, mm-hmm. bien sûr, en face de l'empiricisme anglais. Et les deux ont trouvé leur résolution, bien sûr, dans la philosophie allemande. Bien sûr. Dans le cas de Paul Hazard, de la France, pour lui, la chose la plus importante était la collision frontale entre la chrétienté et les doutes, entre le rationalisme, entre... Et la religion. L'irreligion. Il a récréé, s'est focalisé sur ce que c'était le plus important pour les Lumières françaises, en effet, où la question de religion était au base de tous les conflits. Tandis que Franco Venturi a vu quelque chose d'autre, une espèce de dialectique entre la réforme et la révolution. Et pour Peter Gay, c'était la récréation des paganismes, de la philosophie antique, la va-et-vient entre l'antique et la modernité. Oui, donc en fait, ce sont des couples qui s'opposent d'une certaine façon pour chacun d'entre eux, mais oui. Ce ne sont pas les mêmes couples qui s'opposent. Ce sont des tensions, vous le dites, dialectiques. Oui. Et que chacun de ces penseurs du XXe siècle, regardant le XVIIIe siècle, a mis en œuvre dans son œuvre pour pouvoir justement comprendre pourquoi ce XVIIIe siècle les intéressait autant. Oui, exactement. Et il reflète les différences nationales avec leurs intérêts, avec leur engagement politique. Mais ce qui me frappe, comme j'ai dit, c'est la diversité de tout cela. Et ils ont été suivis immédiatement par les féroces attaques sur les Lumières. Qui venaient d'où, alors, ces attaques dans les années 30? Ce qui était très navrant, pendant les années 50, ouais. Les années 60, les attaques de la droite, c'était rien de nouveau avec tout cela. Ça vient de... Les conservateurs. Okay, les conservateurs. Mais ce qui était tout à fait nouveau pendant la guerre froide, en effet, c'était les attaques, des critiques profondes des Lumières de la part de, disons, la gauche, les penseurs progressistes, en tête de l'école de Francfort, mm-hmm. Bien sûr, Horkheimer et Adorno, mais suivis par une série de grands penseurs philosophes français, avec Foucault en tête. Et il y a, pendant les années 60, les années 70, une critique féministe de tout cela. Mais c'était pour l'étude de les Lumières, c'est une espèce de âge d'or, en effet. Oui, parce toute que... Toute cette variété. Oui, c'est ça, une variété d'approches et surtout une confrontation telle que tout le monde devait se positionner pour ou contre les Lumières, pour ou contre le XVIIIe siècle. Le stimulus que cela a donné à la scolarité et à l'étude des Lumières était formidable. On écoute tout de suite Joseph Hind, la symphonie en ré majeur, le matin, bien entendu. De la symphonie en ré majeur Le Matin de Joseph Hind, composée en 1761. Nous sommes avec vous, Johnson Cantwright, pour évoquer, en ouverture d'une semaine consacrée à l'idée d'Europe, évoquer le moment du XVIIIe siècle dont vous êtes un spécialiste. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Arizona, mais que vous êtes par ailleurs invité en résidence à Nantes, à l'Institut d'études avancées, où vous travaillez pour toute l'année, donc avec vos collègues qui sont invités du monde entier pour pouvoir débattre de sujet très varié. Vous êtes spécialiste de ce 18e siècle dont on parle. Ce 18e siècle, il est marqué par cette idée des Lumières dont vous êtes un des grands connaisseurs. On sait combien ces Lumières ont été débattues, vous nous l'avez expliqué, à partir du 20e siècle. Néanmoins, si on revient à cette idée d'Europe, qui est au cœur de notre semaine, qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment-là? Est-ce que les contemporains du 18e siècle avaient l'impression d'être des Européens, selon vous, John Duncan Wright? Oui, sans aucun doute. En effet, c'est pour ça que j'ai dit que je suis tout à fait d'accord avec Todorov, avec cette formule qui a pas ces deux équations. Pas d'Europe lumière sans lumière. Oui, et pour commencer avec pas d'Europe sans... pas de lumière. C'est ce que, à mon avis, c'est tout à fait vrai que les idées qu'on appelle les Lumières n'auraient pu apparaître nulle part autre dans la Terre que dans l'Europe. Et il faut chercher assez loin dans l'histoire de l'Europe d'expliquer. Et on n'a pas le temps d'aller si loin dans tout cela, mais je suis convaincu qu'il faut, il faut voir la lumière comme à la fois l'aboutissement et l'annulation. Le dépassement. Les dépassements à la même fois de les deux grands mouvements aussi pan-européens. Qui a procédé à la Renaissance et les Lumières. Et ce dépassement devait tout à ce qu'on appelle aujourd'hui anachroniste la révolution scientifique. vous insistez sur le fait, Johnson Cantwright, que la Renaissance est un moment important qui fonde déjà une idée, sinon d'Europe, en tout cas de participation des populations intellectuelles européennes, des écrivains, des auteurs, des intellectuels, à une culture commune. Oui. Et qu'il y a ensuite la réforme qui vient dans un deuxième temps, mais que tout cela, Renaissance et réforme, est dépassé par le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à la fois, il s'y réfère, mais les auteurs du XVIIIe siècle décident d'aller plus loin dans le domaine de la Renaissance et dans le domaine de la réforme. Oui, exactement. Tout le respect que l'Europe du XVIe siècle, du XVIIe siècle, devait à l'antiquité gréco-romaine a été préservé, mais c'était le moment où le charme ou le sort a été rompu, que les Européens a commencé à soupçonner qu'il avait dépassé le monde antique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... XVIIIe siècle. Voilà, le XVIIIe siècle était à la fois un moment de référence, puisqu'on sait combien, par exemple, les révolutionnaires français avaient en tête l'histoire romaine. Mais les révolutionnaires américains aussi. Aussi, bien sûr, évidemment. Et que ces révolutionnaires-là ont décidé que peut-être ils étaient plus modernes et que ces modernes pourraient être au-dessus des anciens, oui, alors qu'auparavant, on était en dessous. Oui, et on a avancé au-delà de la réforme dans exactement la même manière. La critique que les réformateurs ont portée vers le chrétianisme des Moyen-Âge a été extendue à toute la religion à ce point. C'est l'aboutissement et l'annulation de la réforme. Oui, c'est-à-dire que la réforme était une critique du christianisme tel qu'il se passait au Moyen-Âge, mais que les hommes des Lumières ont décidé que c'était bien de critiquer, mais c'était bien de critiquer toute la religion, c'est cela ? Oui, exactement ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui naît dans cet espace européen. Est-ce qu'on peut dire que ces intellectuels, ils ne s'appellent pas comme ça à cette époque-là, mais enfin en tout cas ces écrivains, ces artistes, ces gens qui parcourent l'Europe, comme Mozart, Haydn dont on citait, ou encore Handel, ou d'autres, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une communauté, il y avait un échange, il y avait un espace commun? J'étais très conscient de ça. Je crois que la plupart des historiens sont d'accord que quand il s'agit de l'identité des habitants du continent, c'était justement à commencement du XVIIIe siècle qu'on a finalement accepté même le mot « l'Europe » pour décrire ce qui se passe dans cet espace géographique. Jusque là, bien qu'il y a ce livre fameux de Denis de Rougemont, de 28 siècles de l'Europe pendant l'Antiquité, l'Europe n'était qu'une expression géographique, pas si importante que ça. Vous voulez dire que si on fait référence à une histoire profonde de l'Europe, on ne peut pas beaucoup remonter avant le XVIIIe siècle comme étant une Europe vécue, une Europe pensée, une Europe intégrée dans les êtres qui la composent. La définition de l'Europe partagée par les Lumières a été précédée pour presque 1000 ans par l'idée que le continent était l'habitation de la chrétienté. Mais la chrétienté n'était jamais ce qu'on pensait par le XVIIIe siècle de l'Europe. C'était quelque chose de tout à fait différent et tout à fait nouveau. Et j'ai suggéré qu'il y a peut-être 3 idées qui étaient partagées par presque tous les grands penseurs des Lumières. Ce qui rend l'Europe unique, c'était le fait que, bien que l'Europe était divisée en sociétés différentes, sous des États différents, il y avait une ressemblance familiale entre tous les pays. C'était l'affirmation que l'Europe était une par le XVIIIe siècle. L'esprit de famille d'une une Europe qui serait à la fois une et multiple. Vous citez Montesquieu, par exemple, qui dit que l'Europe est un État composé de plusieurs provinces. Oui, il y a toutes ces grandes phrases. Et en commençant avec Montesquieu, c'était un État suivi immédiatement par Voltaire, qui, dans le siècle de Louis XIV, on dit on pourrait regarder les premières lignes du livre. On pourrait regarder l'Europe chrétienne comme une espèce de république partagée en plusieurs États. Et cinq décennies plus tard, on a Edmund Burke d'Angleterre disant exactement la même chose. L'Europe est pratiquement un grand État qui a la même base juridique avec une certaine diversité de coutumes provinciales et d'établissements locaux. Au-dessus de toute cette apparence de diversité, l'Europe est déjà une chose, une société, une culture. Et, partagée. Oui, partagée, mais ce qui est partagé, ce qui est divisé peut être toujours unifié. Oui. Et en particulier, vous expliquez que cette Europe qui a été divisée pendant très longtemps tout au long du XVIIe siècle et qui a été d'une certaine façon sur à la fin de la guerre de 30 ans qui a été un moment de division terrible, mais en même temps qui a créé les États modernes. Oui. C'est ce qu'on appelle l'Europe westphalienne qui tient de la paix de Westphalie. Cette Europe-là, c'est une Europe qui s'est fait la guerre, mais malgré tout, l'idée c'est l'équilibre des puissances. C'est-à-dire qu'aucun de ces États ne va prendre la main la puissance sur tous les autres États au cours du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il va bien y avoir des grignotages territoriaux, des volontés de conquête de telle ou telle région, mais au bout du compte, aucun de ces États ne va annihiler, faire disparaître un autre de ces États européens. Oui, l'Espagne a tenté ça, la France a essayé ça, et ils ont failli, et après cela, on entre dans cette espèce de miracle que seul parmi les grandes civilisations du monde, la guerre peut arriver à son fin. C'est terminé. C'était le grand rêve de pas mal des penseurs du 18e siècle, que la guerre, c'était une chose dans le passé. Et parce que ce miraculeux équilibre des pouvoirs qui rend chaque État plus ou moins libre des autres. Et oui, et puis il faut reconnaître que c'est ce 18e siècle qui voit naître Emmanuel Kant et qui voit naître la tentative d'une paix, un essai sur la paix perpétuelle. Permanente, oui, éternelle. On espérait. On espérait, évidemment. et sur le décombre des nations qui naîtront au 19e siècle, on sait très bien ce qu'il en a été de cette paix perpétuelle tant désirée par Emmanuel Kant. Un extrait de Handel, la Water Music, évidemment, 1733. Y a-t-il un meilleur exemple que Handel pour montrer justement cette capacité à passer d'un pays européen à un autre pays européen, devenir anglais comme il l'est devenu en l'occurrence? Oui, une chose qui me frappe toujours pour le 18e siècle, qui n'a pas bonne réputation pour les arts, mais je crois que c'est une erreur fondamentale, parce qu'à mon avis, les idées des Lumières ont pu trouver les expressions artistiques extraordinaire. On a que penser à L'être persan, Candide, ou l'invention de l'opéra, dans Handel et Mozart, et la musique qu'on appelle classique. En effet, une des plus fières créations de ce monde. Et il est impossible de ne pas penser à Mozart lui-même. Il y a bien sûr comme emblème de lumière le mariage de Figaro, mm-hmm. le Nozze de Figaro, mm-hmm. qui était la coproduction d'une Française protestante, une Autrichienne catholique et un Juif italien, tous ensemble. Mais Mozart est extraordinaire. Hein, et il ne faut que lire la correspondance de Mozart avec sa sœur dans toutes les langues de l'Europe pour voir que pour un musicien pratiquant, qui travaille dur, qui n'était pas un grand philosophe, il était déjà une espèce d'Européen fondamental. Il y a une conscience dans Mozart lui-même de cette espèce de résolution de l'unité et multiplicité. C'est ça qui a pu donner des rêves aux créateurs de l'Europe au XXe siècle, je crois. Oui, alors ça, c'est tout à fait passionnant. On voit que vous êtes passionné, Jonathan Cantwright, quand vous évoquez ce cas de Mozart ou des autres musiciens du XVIIIe siècle. On est avec vous pour réfléchir à cette naissance d'une idée d'Europe au XVIIIe siècle, en tous les cas. Et vous nous avez expliqué, juste avant ce morceau de Handel, combien il y avait cette idée de la ressemblance familiale, unité et diversité, vous venez de le citer, mais aussi de cet équilibre des pouvoirs entre des États qui sont pourtant concurrents, mais qui ne veulent pas la domination totale des uns sur les autres. Et dans un troisième temps, cette idée aussi que on dépasse tout ce qui a existé auparavant dans ce XVIIIe siècle, avec des contemporains qui pensent effectivement que cette modernité est en germe. Il y a quelque chose de neuf qui est en train de naître et que ce neuf n'a plus besoin d'être dominé par l'idée que les Grecs et les Romains de l'Antiquité étaient supérieurs à soi. Oui, il restait à trouver les noms. Les noms n'existaient pas. On n'utilisait pas le nom capitalisme. C'était la civilisation du commerce. Quelque chose de nouveau, mais c'est difficile de dire comment. On n'a pas inventé la notion de révolution scientifique. Ça n'existait pas le temps. Mais la réalité, en effet, a commencé à changer le monde. On est sur le point de lancer une révolution bien plus profonde, l'industrie industrielle. Mais tout le monde peut plus ou moins savoir que quelque chose bouge en Europe. Et c'était un grand critique profond des Lumières, Théodore Adorno, qui a dit « c'est pour ça qu'on a que c'est l'apogée de la musique classique était Beethoven ». Précisément parce qu'il a trouvé la résolution la plus profonde entre la communauté et l'individu, qui a été exprimée dans la sonate forme de Beethoven. Alors, il y a quelque chose de fort intéressant, c'est que pendant qu'on est conscient de ce qui est en train de naître, selon vous, dans l'Europe du XVIIIe siècle, on est aussi critique par rapport à ce qui est en train de naître, parce qu'il y a un esprit critique de ces écrivains, de ces auteurs. On va être critique, par exemple, par rapport à ce qui se passe dans le monde non-européen. Oui. On a des gens qui vont dire, certes, les Lumières, c'est important, certes, ce que nous pensons, la réflexion que nous menons pour libérer l'homme de la tutelle de la religion, par exemple, eh bien, ça, c'est bien, mais nous ne l'appliquons pas à l'ensemble de l'humanité, en l'occurrence. Oui. On n'avait pas besoin d'attendre le 20e siècle pour lancer les critiques, les autocritiques de l'Europe européenne. L'idée de Lumière était déjà une espèce de blague au XVIIIe siècle. Vous voulez dire qu'il y a une ironie très amère parfois. Ironie par rapport à ce que l'on était en train de faire, c'est-à-dire une autocritique. Il ne faut jamais oublier que c'était aussi le XVIIIe siècle, le lancement de l'esclavage moderne par les Européens éclairés. Et tout le monde savait ça. Et à leur crédit, il y a pas mal des plus grands penseurs des Lumières qui étaient très critiques de le comportement des Européens envers les peuples non-européens. Il y a un petit classique dans la littérature sur les Lumières en anglais. C'est ce livre « Enlightenment Against Empire » par Sankar Muthu qui a décrit les critiques de l'impérialisme européen bien avant le 19e siècle par Diderot, Kant, Herder. C'est assez extraordinaire et on peut comprendre pourquoi il y a une fascination des hommes et des femmes du XXe siècle vis-à-vis de cette capacité d'autocritique qu'avaient les penseurs du XVIIIe sur lesquels dont vous êtes un spécialiste, Jonathan Kent Wright. Parce que, tout compte fait, il y a là un réservoir pour réfléchir, pour penser à la fois à l'idée de progrès, mais aussi aux limites de l'idée de progrès, puisqu'il y a cette idée de progrès qui naît en même temps que l'idée de la nostalgie. Ouais. C'est extraordinaire. Si on suit les travaux de Jean Starobinski, par exemple, on sait combien le XVIIIe siècle, c'est la naissance aussi de la nostalgie telle qu'elle s'est ensuite développée au XIXe siècle. Donc, il y a à la fois le monde qui naît et le regret du monde qui meurt. Oui. Et impossible de citer Starobinski sans parler de Jean-Jacques Rousseau. Parce que quand il s'agit de l'autocritique des Lumières, il n'y a personne comme Rousseau. Les autocritiques sont bonnes. Oui, c'est un petit changement de ton. Si on cite les plus célèbres phrases de Rousseau sur ces trois points. Les trois tropes. Et tout le monde, je crois, sait ça. Todorov cite ces phrases dans le dernier grand écriture de Rousseau sur la pensée politique. C'est un très grand livre, son avis, non publié dans sa vie, pour les Polonais. Qui était en train d'être partitionné par les despotes éclairés. Ouais, c'est ça. La constitution pour pour la Pologne. Oui. Mais Rousseau a dit, ce n'est pas nostalgie pour lui, c'était un peu de tragédie. Et il y a ce qu'il a écrit. Il n'y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemand, d'Espagnol, d'Anglais même, quoi qu'on en dise, il n'y a que des Européens. Il a registré l'émergence d'une identité européenne. Mais pour lui, ce n'est pas grand-chose. On a perdu beaucoup à l'égard de l'identité nationale et bien sûr de liberté nationale avec l'apparition de l'Europe. Et impossible de lire ces lignes. Rousseau en suivant. Je cite, tous ont les mêmes goûts, les mêmes mœurs, parce que aucun n'a reçu des formes nationales par une institution particulière. Tous, dans les mêmes circonstances, feront les mêmes choses. Tous seront désintéressés et seront fripons. Tous parleront du bien public et ne penseront qu'à eux-mêmes. Il savait bien ce qu'il voulait dire par la phrase « bien public ». C'est ce qu'on perd avec l'émergence de l'Europe. Et bien sûr, les Polonais aussi, vous savez. Oui, parce que les Polonais... Ils sont sur le point d'une extinction nationale, à ce point. Grâce, en effet, des Lumières, d'une certaine façon. En tout cas, grâce au prince éclairé. Qui pensait qu'il fallait mettre la main sur ce territoire polonais. S'il en existe, des princes éclairés. Oui, on voit bien les contradictions quand on suit les travaux de certains spécialistes du XVIIIe siècle français, Mélanie Traversier, par exemple, ou encore les travaux de tout un tas d'autres écrivains et écrivaines qui ont pensé à ces questions-là, on voit bien combien ils sont tiraillés, ces hommes des Lumières, entre la volonté de s'affranchir de toutes les contraintes qui étaient les contraintes qui pesaient sur les mondes anciens, mais en même temps de ne pas totalement y parvenir parce que leur liberté est parfois bridée. Oui, exactement. Et on n'a pas attendu. Ce n'était pas nécessaire d'attendre de nos jours de comprendre, et il y a une grande tension en Europe, je ne suis pas le premier à dire ça, entre ces deux plans, les deux niveaux de la vie politique en Europe. Entre, c'est ce que c'est important dans Rousseau, il a déjà compris qu'il peut être une contradiction entre le rêve de créer quelque chose de supranational et la vie continue des nations qui composent l'Union. C'est la contradiction est déjà là. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, effectivement. Et, oui. Et il y aurait un deuxième temps, selon vous, de cette référence enjolivée à cette période des Lumières pour l'Europe. Vous nous avez dit qu'il y avait ce temps des années 30 du XXe siècle, mais il y aurait aujourd'hui aussi, aujourd'hui où la communauté créée par les États européens a du mal à vivre, où l'Angleterre va, la Grande-Bretagne va quitter le navire européen, où les tensions sont fortes à l'intérieur des pays européens et où on se dit, il faut peut-être retourner, et ils sont nombreux et nombreuses, les penseurs qui disent, il faut retourner à cet esprit des Lumières, comme les années 30 sont allées puiser dans cet esprit des Lumières. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, Johnson Cantwright? Je pense que c'est pour ça que j'ai appelé l'idée des Lumières un mythe fondateur. Mais on a besoin des mythes. On a besoin des mythes pour gérer les contradictions de nos vies, et on a besoin des mythes pour penser comment vivre ensemble. Et depuis presque trois siècles maintenant, les Lumières, on nous a fourni des outils pour penser, pour construire des identités, et parfois pour détruire des identités, mais toujours avec l'espoir de les réconcilier. Et par exemple, aujourd'hui, on voit bien comment, devant l'arrivée d'une nouvelle religion en Europe, qui est maintenant très importante, la religion musulmane, on voit des penseurs qui se disent, Voltaire a fait ce choix contre la religion chrétienne, pourquoi ne pas faire la même chose contre la religion musulmane pour séparer les domaines, en l'occurrence, Johnson Cantwright? Oui, ça serait facile, en effet, de dire que l'Union européenne, l'Europe de nos jours, est en face des problèmes qui n'existaient pas pour le XVIIIe siècle. C'est pas vrai. C'est trop facile de dire ça. Tous ces problèmes étaient là. La confrontation avec les autres civilisations. Je suis en train maintenant d'étudier des grands livres, un par Jürgen Osterhammer, sur les relations, la découverte de l'Asie par les Européens. Jürgen Osterhammer, qui a été traduit récemment en français. Oui, et en anglais, enfin. Et un livre par Alexander Belikava, en anglais, qui s'appelle L'Arabique République des Lettres, Arabic Republic of Letters, en anglais. Un très beau livre, très important, qui a souligné à tel point les Européens ont embrassé, en effet, les lettres arabes. Avec les Mille et Nuits, les traductions des Mille et Nuits, par exemple. Exactement. Et je m'intéresse beaucoup, et c'est en partie grâce à ma résidence à l'IEA Nantes, il existe pour, en effet, permettre des échanges des chercheurs de tous les horizons du monde, européens, non-européens, nord, sud, est, ouest, tous ensemble. Et ça m'a donné beaucoup des idées à travers l'usage de l'idée des Lumières. Il y a un livre très intéressant qui a été publié par le journaliste anglais Christopher de Belleg l'année dernière qui a le titre frappant, l'Islamic Enlightenment, où il essayait de raconter les Lumières arabes, les Lumières islamiques pendant le 19e siècle, qui a devé un petit peu à l'Europe, mais c'est vraiment islamique et Lumière à la même fois. Et j'ai découvert en français, parce que ça existe beaucoup plus en français, il y a une petite littérature des non-européens qui ont essayé d'utiliser les catégories des Lumières pour comprendre les choses non-européennes. Et je pense, je suis très intéressé par les chercheurs, les philosophes qui ont été inspirés par Kant, qui nous a laissé, comme le philosophe marocain Al-Jabri, la critique de la raison arabe des années 80, et plus récemment, à qui le même ce livre aussi m'embêqué par la critique de la raison nègre, en effet. Et je crois qu'il y aura un futur pour cette espèce d'échange des catégories à travers les barrières des civilisations. Et donc, pour rompre avec la critique pure de tous ceux qui ont dit les Lumières européennes ont été à la base de la conquête du reste du monde au XIXe siècle par les Européens. Ouais. Il faut trouver des chemins, selon vous, Johnson Cantwright, pour pouvoir justement dépasser, comme les gens des Lumières ont dépassé la Réforme et dépassé la Renaissance, dépasser la critique pure des Lumières et du XVIIIe siècle. J'ai peur de me lancer dans ces mers profondes et peut-être je manquerai une belle occasion de me taire. Mais je dirais que je vais le laisser à autres pour discuter. Mais une chose est vraie, c'est la raison qui est au centre de tous ces débats. La raison et les raisons. Et voilà les catégories qu'il faut utiliser pour comprendre l'Europe et pour comprendre le monde tout entier. Merci beaucoup, Johnson Cantwright. On est très heureux de vous avoir reçu et on est très heureux que vous soyez encore pour quelques mois en France, à Nantes, à l'Institut d'études avancées qui vous y accueille, alors que vous êtes professeur à l'Université d'Arizona. Puis on attend avec impatience la publication de ce travail qui portera sur le miroir clair et lumineux, donc le siècle des Lumières dans la pensée moderne. On va d'abord le publier, vous allez le publier en anglais et on espère l'avoir un de ces jours en français. Mais je l'attends avec impatience sa publication aussi, mais en attendant, c'était un très grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Et moi aussi, merci beaucoup, Johnson Cantwright. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Avec une nouvelle voix, Jean-Marc Bastière, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Monde, National Geographic, Histoire et Civilisation, un magazine qui sera désormais notre partenaire. Vous viendrez présenter tous les premiers lundis du mois le dossier de ce magazine. Et en l'occurrence, ce dossier, il porte sur le génie des papes. Donc, et vous allez nous expliquer ce qu'il y a dans ce travail en commun que vous avez coordonné pour Histoire et Civilisation, Jean-Marc Bastière. Qui étaient ces papes qui ont rebâti Rome? Les papes de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, du moins certains d'entre eux, n'ont pas toujours bonne réputation. Ils pouvaient aimer le faste et le luxe, ils n'ont pas hésité à placer leur neveu à la curie. Un Alexandre VI Borgia a pu aussi, sans la moindre vergogne, installer dans les appartements du Vatican sa compagne et ses enfants. Mais s'ils n'étaient pas toujours vertueux au sens traditionnel, conventionnel, ces papes ne manquaient pas de virtu, cette force d'âme déjà prisée des Romains anciens. Pour Machiavel, les bons princes doivent posséder cette force de caractère qu'est la virtu. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si César Borgia, le fils du pape Alexandre VI, a servi de modèle au prince de Machiavel. Alors pourtant, ces papes, et c'est le titre, le sous-titre de ce dossier d'Histoire et Civilisation, ce génie des papes, ces papes ont rebâti Rome, expliquez-vous dans ce dossier, Jean-Marc Bastière. Oui, en effet, ces papes sont à l'origine de ce que Jean de Lumeau a appelé la seconde gloire de Rome. En moins d'un siècle, ils ont ainsi transformé le gros bourg médiéval qui était devenu la ville aux sept collines, un gros bourg qui était à la fois sale et dangereux, disaient les auteurs de l'époque, en phare de la chrétienté. Donc de Nicolas V à Sixte Quint, ils ont fait confluer à Rome les meilleurs artistes de la péninsule. Ils ont fait construire des ponts, des palais, des monastères, des églises, des fontaines. Pour eux, influence spirituelle et rayonnement culturel s'entremêlent. Ils avaient un sens prononcé de ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Alors, est-ce qu'on peut déterminer qui est l'initiateur de cette renaissance, Jean-Marc Bastière? Alors oui, on peut dire que c'est le pape Nicolas V qui est l'initiateur véritable de cette renaissance. Le premier, il surfe sur le courant humaniste qui redécouvre les auteurs grecs et latins et exalte la beauté de l'antique. Il lance un vaste programme de fouilles, fait exhumer des statues, des colonnes, des temples et jette les plans d'une cité monumentale. À partir de Nicolas V, les papes ont su associer l'image de la Rome impériale de l'époque romaine à celle de la Rome pontificale. Et comment ils s'y sont pris? Eh bien, pour atteindre ce but, les papes doivent d'abord reconquérir leur pouvoir, qui s'est réduit comme une peau de chagrin, notamment depuis qu'ils sont revenus d'Avignon. D'abord et avant tout, les papes cherchent à se protéger contre les voies convoitises des puissantes familles romaines. C'est la raison pour laquelle ils placent, tel un Sixte IV, leur neveu à la curie. Le népotisme qu'il pratique alors, qui sera dénoncé avec virulence par Luther, n'est pas seulement motivé par un favoritisme familial qu'on peut juger scandaleux. Ce qui est pour eux une nécessité vitale, c'est de se constituer une garde prétorienne absolument fidèle. Mais pour assurer les travaux et embellir la ville éternelle, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Ainsi, pour financer ses vastes entreprises, Sixte IV organise dans Rome des pèlerinages, multiplie la vente des charges de la curie et annonce le grand jubilé de 1475, accompagné d'une vente massive d'indulgences. Et voici ce qu'il écrit dans un courrier. Le pape n'a besoin que d'une plume et d'un peu d'encre pour acquérir les sommes d'argent dont il a besoin. Au moins, c'est clair. C'est clair, voilà. Et on sait que la vente des indulgences dénoncée par Luther mettra le feu aux poudres et nourrira la réforme protestante. Alors quel est le rôle du pape Jules II, bien évidemment un des plus célèbres de ces papes de la reconstruction de Rome, Jean-Marc Bastière? Oui, celui qui accomplit pleinement la renaissance de Rome, c'est le pape Jules II au début du XVIe siècle. C'est lui qui prend la décision audacieuse d'édifier la nouvelle basilique Saint-Pierre à la place de la vieille église délabrée de Constantin. Saint-Pierre de Rome, entreprise gigantesque qui mobilise les plus grands artistes et architectes, tels un Michel-Ange, deviendra, une fois érigé, le symbole de la splendeur restaurée de la ville. Mais ce chef-d'œuvre ne sera achevé que 120 ans et 18 papes plus tard. Pour le magazine donc Histoire et Civilisation, il est achevé, on le trouve dans les kiosques. Le génie des papes, ils ont rebâti Rome, c'est le dossier, mais également un sujet sur la Grèce et de ce qu'elle doit à l'Égypte, Vauban qui a fait de la France une forteresse, les suffragettes ou encore Sémiramis, légendaire reine assyrienne. C'est dans le numéro de ce mois de Histoire et Civilisation. Merci Jean-Marc Bastière. Demain, nous continuerons notre série consacrée à l'Europe et à cette idée d'Europe, en nous intéressant en particulier à la culture européenne au 19e et au 20e siècle et la façon justement dont les intellectuels ont circulé dans cette culture européenne entre tous les pays. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Clara Galivelle nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter l'émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter et notre adresse c'est Fabrique FC. À demain.